Nous continuons notre étude. Et quand je dis Megiddo, qu'est-ce que Megiddo? C'est une ville, c'est un emplacement. Mais c'est un, dans la Bible, ça fait référence souvent à une montagne, la montagne de Megiddo. Quand je vous dis Armageddo, ça veut dire Ar, qui veut dire le haut, le haut de la montagne, c'est Armageddon, c'est Armageddo, ça veut dire la même chose. Et ce matin, nous allons parler de Armageddon. Donc, c'est Megiddo, c'était une grande plaine où ce que la plupart des combats d'Israël contre les grandes armées qui venaient l'assiéger avaient lieu. Vous savez, comme aujourd'hui, on pèse des boudons, puis les bombes s'en vont tout seules partout à travers la planète. Mais dans ce temps-là, ce n'était pas tout à fait de même. Les armées se rassemblaient dans un lieu, postaient sur un lieu plat, et la guerre commençait. De tout ça, je n'ai pas assisté, on voit des films, c'est-tu la réalité, on ne sait pas. Mais il y avait, c'était un lieu de guerre. Donc quand tu disais, quand tu parlais à un juif, et que tu disais Megiddo, il y a une chose qu'il pensait, c'était guerre. Si tu disais Armageddo ou Armageddon, ils pensaient toujours lieu de guerre. Qui a déjà vu le film Armageddon? Hein? On a su, plusieurs l'ont vu, peut-être le film d'Armageddon, qui a passé. Ça n'a rien à voir avec Megiddo. Moi, la première fois que j'ai vu l'annonce, Armageddon, ça va être intéressant, c'est un peu contexte biblique, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Ils montaient sur une patente qui s'en venait dans les airs, comme je appelle ça, un météorite, là, assez de feu que tu. Le météorite s'en venait, détruire la Terre, puis là, ils ont été mettre une bombe, le fait de détruire, en tout cas. Mais la pensée de mettre Armageddon, c'était quoi? C'est que Armageddon, qu'on va parler ce matin, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde tel qu'on le connaît. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça Armageddon, parce que le météorite, c'est pour mettre une fin à ce monde. Donc, ils ont gardé l'esprit du mot, une fin en soi, qui a eu une fin. Donc, c'est, ce matin, ce qu'on regarde, c'est la dernière grande guerre qui va avoir lieu dans Armageddon. C'est un. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand vous lisez, quand je vous ai dit, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il y a 300 fois dans le livre de l'Apocalypse des références à l'Ancien Testament. Et il emploie des termes, des illustrations, des images que le peuple qui a reçu connaissait en partie, ces affaires-là. Nous autres, quand on entend Armageddon, notre société d'aujourd'hui, 99%, si vous allez sur la rue au matin, vous me dites Armageddon, ça fait penser à quoi? Ils vont dire quoi? Le film avec Bruce Willis. C'est ça qu'ils vont dire. Parce que dans notre contexte social, ça n'a rien à voir avec les affaires de la Bible, Armageddon. Mais dans ce temps-là, c'était un lieu de guerre, un lieu où les armées venaient pour se battre. Donc, quand Jean a écrit et qui parle de la bataille d'Armageddon ou de la guerre d'Armageddon, tous les gens savaient de quoi ils parlaient. Ils ont besoin de se promener pour savoir, ils savent-tu de quoi je parle? Oui, ils savaient de quoi ils parlaient. Il nous reste trois étapes avant de finir le livre de l'Apocalypse. Celle de ce matin, la bataille d'Armageddon, qui va finir le chapitre 19. Ensuite, on va voir le chapitre 20. On appelle ça le Milan, ou la période du Milan. Et ensuite, ça, on va à la fin du chapitre 20, et on va avoir le grand trône blanc. Et là, ensuite, ça, on va avoir la fin avec les nouveaux et nouvelles terres. Donc, il reste trois histoires ou trois enseignements qu'on va faire pour arriver à la fin où est-ce que tout va être terminé et on va être avec Jésus-Christ pour l'éternité. Ce matin, c'est Armageddon. Si vous avez lu l'Ancien Testament, le moindrement, souvenez-vous d'une fois, David va faire un recensement. Et as-tu un problème avec ça, faire un recensement? C'est quoi faire un recensement? Compter. Hein? Faire un décompte de quelque chose. David a fait un recensement de l'armée qu'il avait. Oh, problème, de gros problèmes qui ont suivi. Parce que Dieu avait dit, je ne veux pas que tu fasses le ressassement de ton armée. Jamais. Parce que, quoi? Je ne veux pas que tu te confies dans le nombre de soldats que tu as. Moi, je vais vous dire, Québécois, comptez pas votre compte de banque. Non, non, non. Mais c'est pas tout à fait pareil. Mais, vous savez, c'est, on a l'habitude à se confier dans ce compte. Non, c'est notre tendance humaine. David était comme, moi j'aime ça voir les erreurs des autres. Vous pourquoi? Là, je fais le même gaffe. Puis si Dieu aime David pareil, il m'aime pareil, même si je fais des gaffes comme David. Je suis content que la Bible ne montre pas une gang de saints ni touches qui font rien de mal jamais, parce que je ne me sentirais pas dans la gang pantoute. Mais quand vous lisez cette histoire-là de David, il y a deux références dans les rois et dans les chroniques. Mais il y a une grosse différence entre les deux. Dans les rois, c'est le diable, si je ne me trompe pas, en tout cas, peu importe, roi ou chronique, une place, c'est le diable qui le pousse à faire le recensement. Et dans l'autre, c'est Dieu. Et on a un foutu problème entre les deux. On ne sait pas comment ça marche. Et c'est toujours la même chose que je vous dis dans la Bible. C'est toujours les mêmes deux grandes vérités. Dieu est au contrôle de tout. Puis l'être humain fait ce qu'il veut. Ça semble se contredire, mais c'est vrai toutes les deux. Dans un bord, on voit que Dieu est au contrôle de ce qui se passe. Mais on voit l'autre bord, David, qui prend des mauvais choix. Et Dieu dit, à cause de ce mauvais choix-là, tu vas être puni, David. Et à cause de ce recensement-là, lui avait pris comme roi d'Israël, 26 000 personnes sont mortes dans une journée. Et David s'arrache les cheveux de sa tête, il a fait sa tête, il se lamente, Dieu, ils ne sont pas coupables, c'est moi qui est coupable, fais quelque chose avec moi, tue-moi si tu veux, fais ce que tu voudras, mais laisse-la tranquille, ce n'est pas les autres qui ont péché. David, Dieu ne répond pas, il laisse mourir les gens, par une sorte de maladie, la peste qui est passée, 26 000 ans. Si je vous dis ça ce matin, c'est parce que dans le texte qu'on va lire, on a les deux choses encore une fois. C'est-tu Dieu qui va vouloir la bataille d'Armageddon ou c'est le diable et les êtres humains qui vont faire la guerre d'Armageddon? Et on va voir, c'est les deux. Dans les deux sens, Dieu a planifié cette grande guerre-là qui va arriver et en même temps, on voit l'être humain qui se soulève contre Dieu et ça a commencé où ce soulèvement-là? Dans le paradis. Et ça va finir de même. Hein? Ça a commencé là, car un soulèvement des hommes contre Dieu, Dieu pourvoit des moyens de salut, les hommes vont se soulever contre Dieu quand même, et Dieu va mettre une fin à ça. Moi, je trouve très impressionnant que la Bible, c'est une éternelle répétition, répétition, répétition. Ça rentre lentement dans notre petite tête. Et c'est pour ça que je crois que la Bible a seulement qu'un auteur, parce qu'elle parle toujours des mêmes choses, avec la même façon, avec les mêmes directions. Pas les mêmes mots, parce que ça change dans l'histoire, mais toujours les mêmes vérités. Dieu va détruire, c'est l'enseignement qu'on voit ce matin, Dieu va détruire la puissance dans laquelle les hommes se confient. Dieu va mettre une fin à cette folie meurtrière de l'être humain. Vous avez déjà vu ça probablement dans des films, à la télévision, dans des livres. C'est les extraterrestres qui viennent. Hein? Puis il y a un groupe même aujourd'hui qui sont c'est les quoi? Les Raéliens. J'avais déjà parlé avec un Raélien. Moi, j'ai parlé avec un gourou Raélien à Val-d'Or. Moi, j'étais un homme curieux, si vous ne me connaissez pas. Je passe en ville, il y a un homme avec une grande robe blanche, mon gars. Grande robe blanche, une grosse croix, les cheveux longs. J'étais à Val-d'Or, je m'envoie sur le chemin. Je vais le voir assis sur un banc. J'ai dit, qui c'est ça, ma foi, matin? Je vais voir. J'ai dit, bonjour, vous représentez un mouvement religieux certain, vous? Ben oui, il dit, je suis un raélien. Ah, bon. J'ai dit, je vais parler avec vous autres. J'ai dit, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi ça? Je dis, je sais pas, c'est quoi. Et là, il m'a expliqué toute l'histoire. Mais il faut une histoire courte, parce que ça a pris une couple d'heures. Il m'a dit, c'est les extraterrestres qui vont mettre une fin à ce monde de fous dans lequel on vit. Savez-vous que dans le sud des États-Unis, ils ont bâti une grosse, grosse piste d'atterrissage pour les secours volantes? Ils ont investi des millions pour que les secours volantes viennent s'atterrir là, pour venir chercher les Araéliens et détruire le restant des hommes fous. Pour eux autres, c'est nous. Puis ça, c'est un mouvement. Il peut y avoir mille et une façons de dire comment les gens vont mettre fin au monde dans lequel nous vivons. Et dernièrement, c'est quoi? Si vous écoutez un petit peu la télévision, c'est qu'est-ce qu'on proclame le plus là aujourd'hui qui va mettre une fin à ce monde? De quoi on parle le plus? Hein? Non. En tout cas, je vais vous dire mon opinion, ce que moi je constate. La nature va se rebeller contre nous parce qu'on la fait mourir, on la pollue. La nature va se révolter. Avez-vous vu dernièrement le film qui a passé, ça s'appelait The Day After, le jour après? C'est la nature qui se révolte, puis elle amène une nouvelle ère glaciaire, des millions meurent, il reste une petite gang, puis là ils disent, on espère qu'on ne va pas commettre les mêmes erreurs, moi je dirais péché, hein, puis que tu vas nous sauver la vie, mère nature. Il parle à la mère nature comme si c'était Dieu, c'est elle qui va amener une fin à cette folie de l'être humain. Et beaucoup, beaucoup dans les mouvements Nouvel Âge, c'est la nature qui va se révolter contre l'être humain, parce que l'être humain brise la nature, détruit la nature, pollue la nature. Mais c'est pas ça, hein? La Bible nous dit que c'est pas ça. L'Apocalypse nous dit que c'est pas ça. C'est Dieu qui va mettre une fin à toutes ces choses-là. Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Oups, excusez. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sa tête était plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui venait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, le roi de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Une dernière guerre entre l'homme et Dieu. Comment est-ce que Dieu va mettre une fin à cela? La première chose qu'on voit, c'est Dieu va envoyer du ciel une armée. Dieu va envoyer du ciel une armée. Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. Ça va être littéral, ça va être vraiment un cheval blanc en chair, ça va être... il y a beaucoup de façons de voir ça. Mais une chose qui est sûre qu'on voit ici, c'est que le ciel va faire la guerre à la terre. Puis je vous ai dit tout au long de l'Apocalypse, c'est pas les Russes contre les Chinois et les Chinois contre les Américains qu'on voit ici. C'est toujours le ciel contre la terre que représente l'être humain pécheur. Ici, encore une fois, Dieu va envoyer quelqu'un du ciel avec une armée pour détruire tout ce qui représente la puissance humaine. Tout ce que représente, tout ce que l'être humain se confie. On peut trouver ça bizarre, hein? Que l'être humain veut faire la guerre, hein, au ciel. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Pourquoi c'est pas si fou que ça? Parce que vous direz, mon gars, mais contre qui va se battre donc? Qui est cette armée? Un homme sur un cheval blanc. Il vient du ciel. Il montre le cheval blanc. Le cheval blanc, dans l'Apocalypse, ça représente toujours la... Non. La victoire. Toujours, dans l'Ancien Testament, le roi qui était le conquérant, le roi qui avait la victoire, revenait toujours sur un cheval blanc. Il rentrait dans la ville sur son cheval blanc et démontrait ainsi qu'il était le victorieux. Jésus est rentré à Jérusalem sur un âne, un petit peu différent. Mais il rentrait quand même en roi victorieux. Et il est furieux. Ce qui me dit ça, c'est qu'il y a des yeux de feu. Pour moi, c'est comme s'il était, il s'en vient pour purifier, pour détruire. J'ai jamais vu ça, moi, quelqu'un. Avez-vous déjà vu ça? Ben, on a une expression en québécois comme ça, dit, il y a du feu dans les yeux, ce gars-là. Hein? Ça veut dire quoi dans ce temps-là, quand on dit ça? Parce qu'il est en colère, il est enragé. Il y a du feu dans les yeux plein de feu. C'est un petit peu là, cette pensée que ça veut dire. Il a une couronne sur sa tête, un diadème. Il y a un nom dessus qui dit, il y a juste lui qui peut lire. Donc, essayez pas de le lire, il y a que lui qui peut le lire. J'ai vu, une fois, j'avais lu un livre, ça dépend, sur, c'est quoi le nom qui est écrit sur le diadème? Je dis, pauvre! Je ne vous dirai pas ce que j'ai dit, c'était pas gentil. C'est marqué que personne ne peut lire. Mais il essaie d'expliquer quand même c'est quoi. Personne ne peut lire. Mais on n'a pas besoin parce que les autres vont nous dire, les autres détails vont nous dire qui est ce personnage-là. Il a un vêtement teint de sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait la guerre. Et son sang, il y a du sang partout, donc il a fait la guerre, ce personnage-là. Ou il y en a qui d'autres disent que ça représente son sang à lui qui a coulé. Peut-être. Un des deux. Faites votre choix. J'ai pas de réponse pleine. Mais si ça en vient faire la guerre, peut-être que c'est son sang qu'on voit. Parce qu'il n'a pas fait la guerre encore. Donc peut-être que c'était préférable de prendre l'expression que lui a du sang sur lui et ça nous fait penser peut-être à quelque chose qu'il a vécu, lui. Et quoi est-ce qu'il y a qui sort de sa bouche? Une épée tranchante, très aiguë. Et il s'en vient faire la guerre. On a vu un autre personnage dans l'Apocalypse qui avait une épée qui sortait de la bouche, au chapitre 2. Il y avait un personnage là, hein, qui est apparu à Jean. Il avait les cheveux blanc, une face de soleil, une grande robe blanche, une ceinture en or, et de sa bouche sortait une épée aiguë. Il y avait une voix de tonnerre, ça disait à Jean. Et on savait c'était qui. C'était qui dans ce passage-là? Ah, c'était Jésus. Puis ça disait à l'Église. Il est au milieu des sept chandeliers, vous vous souvenez? Et il parle à Jean, puis il y a une épée. Puis là, il dit aux églises, à une place ou deux places, il dit, si tu ne te repens pas, je vais te détruire avec l'épée qui sort de ma bouche. Et on est convaincu que c'est Jésus. Est-ce que ça en est un autre, ou c'est le même personnage? Continuons à lire. Et on dit, en tout ça, que son nom est la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre avant? Fidèle. Fidèle. Son nom est fidèle. Dans l'Apocalypse, il y a différentes places où on voit ce nom-là. Regardez, Apocalypse 1:5, quelqu'un veut lire? Arrête ça là. C'est ce que je veux savoir. Jésus, c'est le témoin fidèle. Apocalypse 3:14. Le témoin fidèle, encore une fois. Et dans Apocalypse 19:11, qu'on vient de voir, nous autres, témoin fidèle ou le fidèle. C'est lui le fidèle. En tout cas, continuons ensemble. Et ensuite, on l'appelle le véritable. Et encore une fois, à plusieurs places dans l'Apocalypse, on va en aller juste un ou deux. Apocalypse 3:7, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. 3:14, il dit, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Donc, c'est qui ce personnage-là qu'on appelle le véritable, le fidèle et le véritable? Ensuite, on l'appelle la parole de Dieu. C'est qui ça? Ensuite, on dit qu'il est, on l'appelait le roi des rois. Donc, si on met tout ça ensemble, il s'appelle la parole de Dieu, le saint, le témoin fidèle, le véritable, le roi des rois. On est tous d'accord pour dire que c'est Jésus. Il n'y a pas, c'est pas marqué, mais on est tous d'accord que c'est Jésus. Et si on regarde les références d'Apocalypse, c'est Jésus. Et si on fait le tour du Nouveau Testament, celui qui porte ce nom-là, c'est Jésus. Jean avait dit dans son évangile, au commencement était la parole. Donc la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus. Et la parole s'est faite chair. Donc ce n'est pas compliqué à comprendre que c'est Jésus. Il vient avec une armée. Là encore, je vous laisse le privilège de choisir ce que vous pensez, parce que les chrétiens ont un paquet d'idées différentes là-dessus. C'est qui cette armée-là qui l'accompagne? Il y en a qui disent que c'est les croyants de tous les temps. Que les croyants de tous les temps qui sont dans le ciel déjà et qui vont descendre avec Jésus faire la guerre. D'autres ils disent que c'est les croyants de tous les temps plus les anges. Bon. Pourquoi qu'on dit ça? C'est parce que la façon qu'on les décrit, ils ont une robe blanche, de pure, puis tout ça. Puis dans l'Apocalypse, ceux qui portent des robes blanches, il y en a deux, de deux gangs, les croyants et les anges. Donc, il y en a qui disent que c'est les anges et les croyants. D'autres, ils disent que non, non, c'est juste les croyants du Nouveau Testament. D'autres disent que c'est les croyants du Nouveau Testament et les anges. Mais, ma petite affaire, moi, c'est personne de ça. Parce que le texte ne me dit pas c'est qui. Hein? Ne me dit pas c'est qui. Tout ce qu'on a, c'est une gang qui suit Jésus et ils sont habillés avec des robes blanches. C'est tout ce qu'on a de lui, des autres. Mon interprétation, c'est seulement que des anges. C'est seulement que des anges. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Pourquoi? Parce que dans toute l'Apocalypse, ce que Jésus s'en vient faire présentement sur la terre, c'est un jugement. Il vient condamner les hommes. Il vient juger et faire mourir des hommes par millions. Et dans toute l'Apocalypse, jamais les hommes sont impliqués là-dedans. C'est toujours les anges qui font les jugements de Dieu dans l'Apocalypse. Toujours. Juste les anges. Ils viennent, c'est eux qui amènent, les sept trompettes, c'est eux qui amènent les sept coupes, c'est eux qui amènent les fléaux, c'est eux qui amènent tout. Dieu envoie toujours des anges proclamer et faire des jugements sur la terre. Et je crois ici, c'est encore eux autres qui les suivent. Je me souviens d'une femme qui m'avait dit une fois, « Moi, François, elle dit, j'espère que je ne suis pas dans ce gang-là parce que j'aime pas faire la guerre. » On a toutes sortes de raisons, vous savez, les chrétiens entre nous autres, pourquoi je ne veux pas être là, pourquoi je veux être là, mais j'aime pas la guerre, parce que je ne veux pas être là. Une femme, un homme, dis-moi, il dit, en tout cas, si il faut se battre avec une épée, je ne fais rien avec ça, dis-moi, je ne suis pas capable. Les chrétiens avaient une certaine crainte de dire, « Hey, je suis dans le ciel avec Dieu, pourquoi je descendrais sur la terre faire la guerre? » Ils ne veulent pas venir faire la guerre sur la terre. Entre moi et vous, je ne crois pas que le texte parle de ça. Je crois que le texte parle des anges. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de textes qu'on a pas le temps de regarder ce matin, mais dans le Nouveau Testament, ça va être marqué, « Et le Fils de l'homme viendra avec ses saints anges. » C'est toujours ça dans le Nouveau Testament. Il vient toujours avec ses saints anges faire la guerre. Chaque fois qu'on parle de la fin des temps, c'est le Fils de l'homme qui vient avec les anges mettre une fin. Si vous lisez les paraboles, c'est les anges qui sont impliqués dans le jugement dernier. Et non pas les hommes avec Jésus-Christ. C'est pour ça que je prends ce genre d'interprétation-là. Et en même temps, pour faire ce genre de guerre, les hommes n'ont pas de force. Parce que la guerre que Jésus va faire, moi je ne peux pas la faire. Puis vous allez voir tout à l'heure, enfin, qu'il s'en vient avec toute son armée. Mais il n'y en a qu'un qui tue tout le monde, c'est Jésus. Tout le reste font rien. Parce qu'il dit qu'il va tout détruire les autres avec son épée qui sort de sa bouche. Les autres gangs suivent en arrière, ils ne s'impliqueront même pas. Donc peu importe, si c'est des chrétiens, ils ne feront pas la guerre. Ils vont juste suivre Jésus où est-ce qu'il va, mais ils ne feront pas la guerre. C'est Jésus qui va faire la guerre. C'est sa guerre. Ce n'est pas notre guerre, c'est sa guerre. Et l'autre raison Personnellement, jusque-là, dans l'Apocalypse, on n'a pas vu que l'Église est montée au ciel. Jusqu'à date. Fait que je ne crois pas que c'est l'Église qui descend. Si elle n'est pas montée. Mon interprétation, à moi. Parce que jusqu'à date, on est rendu au chapitre 19, il n'y a aucun texte qui parle que l'Église est partie. Aucun texte qui dit que l'Église est montée au ciel. Aucun. Donc, si je me fie à l'Apocalypse, ben, elle ne peut pas descendre si elle n'est pas montée, l'Église. Et nous n'avons pas encore vu, on va voir ça la semaine prochaine ou la semaine après, la résurrection des croyants. Si on parle qu'on va venir faire la guerre à des hommes de chair, que nous autres, il faut avoir un corps de chair pour le faire, ben, il faudra avoir un corps de chair aussi pour le faire. Et ça, ça va nous être donné seulement, même qu'on voit le retour de Jésus-Christ, puis qu'on va voir la résurrection des morts. Et là, on va avoir un corps renouvelé. Et là, on pourra venir. Mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, comment Dieu va mettre une fin à la folie meurtrière des hommes, ou à cette folie des hommes de vouloir combattre contre Dieu? Premièrement, il va avoir une armée du ciel pour le faire. Maintenant, il va rassembler, versets 17 et 19, il va rassembler les hommes de tous les peuples de la terre. Verset 17 dit, « Et je vis un ange qui était dans le soleil, et qui lève une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Donc, il faut que tout ce monde-là s'en vienne ensemble à Megiddo pour faire la guerre. Et comment ils vont venir, là? Comment ils vont s'en venir, là? Je vais vous montrer un texte qu'on a lu déjà dans l'Apocalypse. Ils vont voir comment ça va se faire. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a un autre monde impliqué là-dedans. Un monde qu'on ne voit pas. Qui veut lire ça? Le sixième? Et le « il » en bas, là, « ils les rassemblèrent ».« Ils » au pluriel. « Ils les rassemblèrent » dans le lieu appelé en hébreu « Armageddon ». C'est qui le « il » Ah, voyons, ben voyons. Bon, merci ma femme. Les trois esprits de démons rassemble les hommes de tous les peuples de la terre et les emmène à Armageddon. C'est une guerre spirituelle, premièrement, entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, entre les bons anges et les mauvais anges. C'est une guerre spirituelle qui se joue en arrière, qui se trame en arrière dans le monde invisible et qui va se manifester en bas sur la terre. Mais ici, Dieu va permettre aux démons, à ces trois grenouilles-là, toute une histoire, hein? Savez-vous qu'on fait qu'ils mettent des grenouilles? Savez-vous pourquoi? Les anciens dieux d'Égypte avaient des grenouilles. Dans les anciens dieux d'Égypte, il y avait des grenouilles. C'était des démons. Et mon ami, il y a bien des hommes qui adorent des affaires qui ne savent pas quoi qu'ils adorent. La Bible nous dit, ce que vous adorez derrière la statue, c'est des démons. Paul dit ça dans Corinthiens. Attention à vous autres. C'est pour ça que des fois, il y a des choses qui se produisent, parce qu'il y a quelque chose en arrière de tout ça, ces affaires. Donc, il y a des démons. C'est pour ça qu'ils vont réussir. Des fois, au début, je me disais, comment est-ce qu'ils vont les emmener là? Toute la gang à devenir... je parlais de ça avec monsieur au gym, je demandais son nom, à monsieur au gym, je parlais avec... Je dis, François, les hommes se détestent bien trop entre eux autres pour faire une unité, faire une chose. Ah, dit, oui, ça, c'est vrai. Mais il dit, il y a une autre gang derrière qui va stimuler tout ça. Il dit, on appelle ça des démons. Et ça, il n'a pas trouvé ça drôle. Derrière, ce dit, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Il faut faire des grands prodiges pour séduire tous les rois de la terre, les emmener ensemble. Dire, on est... C'est pour ça qu'ils vont croire qu'ils sont capables de battre Dieu avec ces prodiges-là. Ils vont croire ça. Parce qu'ils disent, hey, non, regarde ce qu'on est capable de faire. On est capable de battre Dieu. Allons-y. C'est dans la folie de l'être humain de penser ça. Et c'est surtout dans la folie de Satan de croire qu'il peut battre Dieu. Et c'est Satan qui contrôle tout ça par en arrière pour lever les hommes et les armées contre Dieu. Donc, leur chef, c'est marqué, c'est la bête, c'est le faux prophète, et ce sont les rois de la terre et leurs armées. C'est tous eux qui s'en viennent ensemble. Ils s'en viennent tous là pour, avec une idée bien précise, faire la guerre à Dieu. Il y en a qui disent, que, peut-être dans le domaine du possible, je ne sais pas, il y en a qui disent qu'ils vont se rassembler là parce qu'ils veulent faire la guerre à Israël. Certains croyants pensent ça. Donc, ils savent pas qu'il y a une armée qui va descendre du ciel, puis qu'ils vont s'en va pour attaquer Israël, puis là, mais Dieu va défendre son peuple Israël. Ça peut être une façon, mais je ne crois pas ça personnellement. Je ne crois pas ça personnellement. Donnons pas plus de valeur à Israël qu'ils en ont. Mais si c'est ça, ça ne change rien. Jésus va descendre pareil. Mais si, parce que si c'est ça, j'ai l'impression que c'est une espèce de surprise. Là, on ne voit pas derrière. Moi, c'est le chapitre 16 dit qu'il y a des démons derrière qui stimulent tout ça et qui les amènent. Est-ce que ça va être pour eux autres? On s'est fait avoir ou bien on s'est réalisé ce qu'ils sont en train de faire? Personnellement, je crois que l'homme va réaliser ce qu'il est en train de faire et il se lève contre Dieu, croyant qu'il peut se battre contre Dieu et vaincre Dieu. Les autres textes, la fin du texte nous dit que Dieu va être sans pitié. Dieu va être sans pitié. Il va juger avec, et puis il va combattre avec justice les nations. Il va frapper les nations. Il va les paître avec une verge de fer. C'est une expression qui revient souvent dans la Bible, hein? Il va les paître avec une verge de fer. C'est un synonyme de quoi? C'est un synonyme de dureté, de colère. Et puis, si vous voulez prendre votre concordance et prendre l'expression verge de fer. Une verge, c'était quoi? C'est un bâton. Hein? C'est une verge. Pas du temps, c'est une espèce de petite fouette, là, une petite jarre, comme on le disait en québécois, en bambou, en bois. Puis on donnait 30 coups moins un. Mais quand, si je prendrais une verge de fer et je commence à frapper, ça va être un petit peu différent. Hein? Ça va être un petit peu différent. Donc, il dit qu'il va venir régner avec une verge de fer. Ça veut dire que ça va être un règne de dureté, un règne qui va mettre une fin. Il n'y a plus de douceur, plus de grâce, plus de compassion, de miséricorde. Dieu s'en vient pour faire justice. Il y a juste un but en tête, c'est de détruire les nations. Ces gens, ces hommes, ces femmes, ces moins jeunes, ces plus vieux, qui se lèvent contre lui, qui, depuis des millénaires, commettent des abominations contre lui. Dieu a terminé le temps de la patience. Il dit qu'il va fouler la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et à chaque fois que je lis ça, il y a un texte de Paul qui dit, dans Romains, il dit, « Malheur à celui qui tombe dans les mains d'un Dieu en colère. » Moi, je n'étais pas toujours beau quand j'étais en colère. Donc, je voudrais dire, je ne suis jamais beau quand j'étais en colère. Mais quand Dieu est en colère, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais on a des petits exemples dans ce testament. Vous savez, quand Dieu envoie Élie une fois sur le mont Horeb, puis là, Élie arrive là, puis là, Dieu apparaît, puis là, il apparaît comme un feu dévorant qui brûle la roche. Ensuite, il passe comme un ouragan, le feu, le vent passe, puis il déchire littéralement la roche, juste comme un vent. Et c'est moi Dieu. Puis dans le même texte, là, dans Élie, c'est parce qu'il s'en vient faire la guerre là, à des ennemis d'Israël. Puis il dit, je vais tous les détruire. Comme je suis capable avec ce feu-là, puis ce vent-là, détruire des montagnes, je vais détruire aussi vos ennemis. Une chance qu'après, il y a quoi? Il y a un petit murmure doux et léger. Ça, c'était pour Élie. Et les 7000 qui étaient avec lui. Dieu, pour nous, est un doux murmure léger et doux. Mais pour les autres, ça va être un feu dévorant, une tornade. Il ne laissera aucun survivant. Il dit qu'il va, au verset 17 à 21, il dit qu'il va prendre la bête et le faux prophète. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va les jeter dans l'enfer, dans l'état ardent de feu et de soufre. Un matin, je peux méditer là-dessus, je dis, il y en a un qui est monté au ciel, vivant. C'est qui? Élie. Il y en a qui vont descendre en enfer, vivant. Je ne sais pas c'est qui, la bête et le faux prophète. Ça va probablement être deux personnages, deux êtres humains qui ont pris le leadership mondial. Il y en a une, c'est quoi? C'est le chef politique. Et l'autre, c'est le chef, le religieux. Toutes les deux vont être pris, vont être jetés dans le temps ardent de feu et de soufre. Et ça va, ils vont être là. Et pas les humains encore. C'est pas fini avec les humains. C'est pas maintenant encore le temps. Mais là, ces deux-là s'en vont dans l'enfer. Et ensuite, il dit qu'il fait amener tous les oiseaux du ciel. J'avais lu un article quand j'étais jeune chrétien, qu'il disait qu'aux États-Unis, en Europe et dans le coin de tout Israël, que les oiseaux de proie se multipliaient 4 fois plus vite que la normale depuis quelques années. C'est pas moi qui le dis, là. C'est pas marqué dans la Bible. Mais c'est un article que j'avais lu là-dessus à un moment donné, que les oiseaux de proie se multipliaient tellement vite, les scientifiques, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Puis les chrétiens, ils disent quoi? Ils disent, ah, Dieu est en train de préparer ces oiseaux! Ça se peut. Ça se pourrait. Je ne mettrais pas ma main dans le feu là-dessus. Je n'irais pas le dire à personne que c'est ça que Dieu est en train de faire. Si c'est ça, c'est correct. Mais Dieu peut faire venir les oiseaux du ciel en entier, toutes les faire venir à la même place en quelques jours, ou il peut juste en créer d'autres. Une fois, il a fait venir des millions de poissons, des milliers de poissons en même place pour qu'ils fassent la pêche miraculeuse. Il peut amener tous les oiseaux aussi, si c'est pas bien plus dur que ça. Là. Donc, mais ça, je vous encourage, faites toujours attention quand Dieu est en train de faire. Dites-moi, personnellement, je pense ça, peut-être c'est pas ça, mais je pense, soyez plus humble, plus, moins, pas trop dogmatique, parce que ça va nuire ensuite ça aux choses de Dieu. Dieu va détruire tout ce que l'homme avait de plus fort, de plus puissant. Dieu va détruire toute la puissance que l'être humain pouvait emmener ensemble dans le même lieu. Moi, je ne suis pas surpris, mes frères et sœurs, que s'il y a une guerre littérale, dans le sens que si les armées du monde entier se déplacent vers Megiddo, je ne suis pas surpris que là, nous allons voir, en même temps que les grands soldats, les grands chefs d'armée, nous allons voir aussi les grands gourous de ce siècle. Les grands chefs religieux, tu sais qu'ils vont être là aussi, pour faire leurs enchantements, pour faire leur babel, leur niaiserie, si je peux appeler ça comme ça, leur invocation. Vous savez que ça s'est commencé déjà? Vous savez que les grands gouvernements du monde ont tous leurs gourous, moi à peu près, qui invoquent, qui demandent pour des conseils spirituels, des conseils de ce qui se passe dans le monde mystique des choses. Ils font ça. Ils ont leur astrologue, ils ont leur médium. Fait que je ne suis pas surpris que toute cette petite gang-là se ramasse. S'il y a un rassemblement littéral, ils vont se rassembler avec les chefs d'armée. Parce qu'ils ont confiance de plus en plus dans ce monde spirituel-là, qui peut faire de quoi pour eux autres. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas juste une guerre de fusil, là. C'est une guerre aussi spirituelle qui va avoir lieu entre l'homme et Dieu. Et ça va être la dernière. Ça va être la dernière. Donc, si vous le faites comme étant littéral, je ne vous empêche pas de croire ça. Si c'est spirituel, je ne vous empêche pas. Mais une chose, il faut toujours se rappeler, je vous l'ai dit, il faut toujours se rappeler de la photo. Le ciel s'en vient se battre contre la puissance des hommes. Tout ce que l'homme a rassemblé de puissance maléfique et de puissance littérale dans le sens de guerre, ils se rassemblent pour faire une dernière guerre contre Dieu et Dieu va le détruire. C'est ça qu'il faut se rappeler. Que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est sur son cheval blanc, va avoir la victoire sur le monde dans lequel nous vivons. C'est ça, moi, qui me réjouis. Je n'essaie pas de mettre des mots à tous les détails, mais juste de me dire, mon Seigneur Jésus va avoir la victoire sur les êtres humains et il va prendre la bête, il va prendre le faux prophète, il va le mettre en enfer. La semaine prochaine, on va voir, il va prendre le diable, il va l'enchaîner, le mettre dans le pit, fermer la porte, boire ça avec un cadenas, pas au milieu. Moi, tout ce que je vois là-dedans, c'est une manifestation d'une puissance épouvantable de Dieu que l'être humain ne peut même pas s'imaginer comment Dieu peut être puissant. En quelques secondes, il va détruire tout ce que l'être humain a mis sa confiance dedans. Nous, qu'est-ce que le peuple nous a, le texte nous encourage ce matin, il nous dit à nous autres, frères et sœurs, garde la foi, persévère, peu importe c'est quoi qui arrive. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont écrire, peu importe ce qu'ils vont te montrer à la télévision, garde la foi en moi. Je viens bientôt et je vais détruire tout ce que l'être humain a mis sa confiance dedans. Si tu changes de camp, je vais te détruire avec mon épée aussi. Si tu changes de camp, je vais te détruire avec mon épée. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré à quel point tu es puissant ce matin. Et à quel point que, comme c'est toi qui as créé ce monde, c'est toi qui vas mettre une fin à ce monde, pour en créer un nouveau. Nous allons voir bientôt ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, ce paradis terrestre, si je peux dire ainsi, que tu vas préparer pour nous, tes enfants. Mais avant, tu vas faire le ménage. Seigneur, on ne peut pas faire autrement que penser que dans ce ménage, il y a des gens qu'on connaît, des gens qu'on aime, des gens qu'on aimerait qu'ils soient dans notre camp, avec toi, dans ton camp. Tu es encore un Dieu de grâce, tu es encore un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Aide-nous à le proclamer. Aide-nous à le laisser voir. Aide-nous à dire aux gens que le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui pardonne. Aide-nous, Seigneur, afin que d'autres puissent nous rejoindre avec toi pour l'éternité. On te prie parce qu'on a vu ce matin, c'est toi qui attires, c'est toi qui donnes, c'est toi qui bouges vers les gens. C'est pour ça que nous t'implorons, parce que les gens ne viendront pas vers toi, à moins que toi tu viennes vers eux, premièrement. Nous te donnons toute la gloire pour tout ce qui va se passer dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Oh.